Voici un passé historique, un passé tragique. Le 11 septembre, les kamikazes, les nazis, la chambre à gaz. Car à tout jamais, on ne veut plus voir ça. Chanter avec moi, à bas ces gens-là. En septembre 2001, s'est produit un acte inhumain. Quel est le prochain? Jordan allait à son examen, il passe devant les tours. Quand soudain, chute de monuments, mort de millions de citadins. Bush déclare la guerre à l'Irak depuis sa chaise. La guerre, il la soupèse, des tas de soldats sont morts pour des foutaises. Des tas de personnes, par la nouvelle, ont été découragées. Leurs cris, les USA, les ont étouffés. À bas les racistes, les esclavagistes, à mort les tragédies et les conflits. Écoute ce son pour que la terre soit ébranlée par cette vague de paix que vous vous en imprégnez. 1939, les nazis instaurent la discrimination. Depuis, il y a de plus en plus de récriminations. Faisons-nous légion, prenons nos crayons pour dessiner le fanion de l'union entre les religions. Ceux qui te font souffrir car tu es métisse, noir ou jaune et qui veulent te voir périr. Moi je vais leur dire qu'ils peuvent croupir, pourrir, pire, souffrir. Je vais écrire pour les punir. À bas les racistes, les esclavagistes, à mort les tragédies et les conflits. Écoute ce son pour que la terre soit ébranlée par cette vague de paix que vous vous en imprégnez. Je vais illuminer les parties de vos vies ombragées. Je vais vous accompagner pour vous soigner de vos plaies, pour éviter à celles-ci de se propager. Pour soulager vos cœurs, je vais vous servir de berger. Je vais poignarder de mes mots les obsédés. Partir en conquête contre les gens malhonnêtes, pour que vous ayez un peu plus à bouffer dans vos assiettes. À bas les racistes, les esclavagistes, à mort les tragédies et les conflits. Écoute ce son pour que la terre soit ébranlée par cette vague de paix que vous vous en imprégnez. Voici ce qu'il faut faire dans l'immédiat. Poser les bazookas et renvoyer chez eux les soldats. Arrêter d'emmener des jeunes pour rien au commissariat. Nourrir ces SDF sans rien dans l'estomac. Se soucier des fusillés, daigner coucher sur papier ce qui vous fait grimacer. Sans oublier de bafouiller des je t'aime. Rêver de Versailles et de se marier. Offrir à sa belle les plus beaux diadèmes. Séduire cette lycéenne, sûrement une comédienne. Se dire je t'aime et puis être heureux, juste être heureux. À bas les racistes, les esclavagistes, à mort les tragédies et les conflits. Écoute ce son pour que la terre soit ébranlée par cette vague de paix que vous vous en imprégnez. Nous planchons sur des textes pour vous aider. Pour ne pas que vous tombiez, nous allons faire sortir des idées concrètes. Des idées honnêtes qui vont créer des tempêtes. Bye Singer. Rime. À bas les racistes, les esclavagistes, à mort les tragédies et les conflits. Écoute ce son pour que la terre soit ébranlée par cette vague de paix que vous vous en imprégnez.